avance de plus en plus. Et puis, c'est important. On a compris des choses. On a commencé. Ouais. On a commencé. C'est froid. Il y a un objet qui vous dérange. Oui, attends. On fait un petit after après. Ok, intéressant. Vous êtes nage après. On est deux et après il y a mes amis qui arrivent. Ok, bah, tu sais quoi, regarde, je te donne mon contact. Je t'envoie l'adresse, on fait un petit truc après. Voilà. Je t'envoie un message. Le condo, s'il vous plaît.